Alléluia. Un autre signe, il y a malédiction. Il y a esclavage. Servitude. Bien-aimé, malgré tant qu'il doit qu'on batte une image, mon adjoint, mon makabila, mis chez makabila en Guinée, mais vu les mamans qu'on a expliqué, que voilà vu les mamans qu'on a expliqué, sans makabila et tout, coucou ma famille en Guinée, bah chaque kuba ambe que moi je ne pas ba esclave ya ba fulani. Donc comment mon fal m'en a fait coup, il faut pas que mes bébés moi ben musique et ben musique ma musique naï. Si tu veux comment il coucou makabila ya mingi. Il y a des tribus comme ça, il y a des familles comme ça. Les gens destinés à être esclaves des autres. Mutawana mukizazi, bote ni paka baboy. Soit bote ni paka babon. Eh, non. Tu seras la tête et non la queue. Donc ni biaboule tout mon warisema. Bote ni paka basalizer. Non. C'est un chauffeur, bon, t'es pas comme un saliseur, un receveur. Non. Ou m'en bie, mungu. Mina katala, esclavage, mukizazi, que servitude. Kou ben gine, beko esclave ya sorcellerie. Bachaka kou baloka, bo te famille yote. Baloji bana bacheze ya kapaka. Non. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour de prière. Omba. Ça ingine, na bouloji na bo, ni malédiction. J'espère que katikati est pas na bouloji. Mais à supposer que ukwam, ou Dieu est que na yo ni malédiction. Bouloji ni malédiction. D'ailleurs, mon ancien testament, moi je prenais que mon israël moukwa bouloji, fallait que ba choma. Bouloji ni malédiction. Alors nous voulons prier. Katala esclavage, il y a bouloji, esclavage, il y a malédiction, il y a comme soukouma, kubintu bibaya, non, pandoku, leo, c'est ma famille yango, il est esclavage yote, il est servitude yote, pa jina yango, pa batoto yango, kuna bengine jina yake na signifie, atakwe esclave wa fulani, non, tu y katale katika jina la Yesu, élevons nos voix, anza kuomba, katala tout. Katala. Katala.